Chapitre 19, les deux pièces de 5 francs, un bienfait délicat. Que votre main gauche ignore ce qu'a donné votre main droite. Lorsque André rentra une heure plus tard, il trouva Julien bien affairé. Assis en face de la mère Gertrude, il lui aidait à écosser sa récolte de haricots, car la bonne dame avait un bout de jardin derrière sa maison. Et l'été ayant été favorable, elle avait fait une belle récolte de haricots, pois, fèves, lentilles et autres plantes légumineuses. André fut émerveillé de voir l'enfant et la vieille dame causer tous les deux comme d'anciennes connaissances. La défiance de Madame Gertrude n'avait pu tenir devant le gentil caractère de Julien. André acheva de rompre la glace en annonçant qu'il avait de l'ouvrage pour le lendemain même et que son nouveau patron lui avait promis de faire entrer Julien à l'école. Madame Gertrude parut alors aussi satisfaite que les enfants eux-mêmes. Elle trempa la soupe qui était cuite à point. Et les trois nouveaux amis soupèrent ensemble avec plus d'entrain qu'on eût pu le croire une heure auparavant. Après le dîner, André rangea ses vêtements de travail, tout prêt pour le lendemain. Il mit bien en ordre dans le placard de leur chambre le linge de son frère et le sien. De son côté, Julien rangeait aussi ses affaires, c'est-à-dire son carton d'écolier, ses plumes, son papier et ses livres, qu'il avait eu bien soin d'emporter dans son paquet de voyage. Quand tout fut en ordre, André prit dans la poche de son gilet le petit paquet qui renfermait leurs économies pour le porter à Madame Gertrude et la prier de le leur garder. En le dépliant, il fut tout étonné d'y trouver deux belles pièces de 5 francs qu'il n'avait point mises. « Comment cela peut-il se faire » pensa-t-il. Puis il se rappela qu'au départ, la mère Étienne avait remis en ordre leurs habits et leurs paquets. « C'est elle, se dit-il, qui, sans que nous le sachions, a voulu augmenter ainsi notre petit avoir. Bonne mère Étienne !» Elle n'est pas riche pourtant, et ces deux pièces ont dû lui coûter bien de la peine à gagner. Comme elle a su nous venir en aide sans même nous le dire, de peur sans doute de nous humilier. Tout en pensant cela, André fut si touché qu'il faillit se mettre à pleurer. Plantes légumineuses. On appelle légumineuses les plantes qui ont pour fruit des cosses. Les plus précieuses de ces plantes sont dans nos pays les haricots et les pois, si nourrissants. Les fèves et les lentilles, qu'on cultive surtout dans nos départements maritimes de l'Ouest ou du Midi, et dont les équipages des navires font une consommation considérable.